إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence inshallah notre cours numéro 7 aujourd'hui dans l'explication du livre Haqiqatul Wala' wal Bara' fil Kitab wa Sunnah. Et donc on a expliqué au dernier cours, on a expliqué certaines règles ou certains principes par rapport à al-wala wal-bara, des choses qui nous indiquent donc qu'est-ce qui a rapport avec la définition de al-wala wal-bara, hein, et on a expliqué yani, quelles sont les limites, hein, les limites dans, c'est-à-dire les limitations par rapport à al-wala wal-bara, et qu'est-ce qui est dans Al-Wala wal-Bara, qu'est-ce qui fait sortir de l'islam et qu'est-ce qui ne fait pas sortir de l'islam. On a clarifié plusieurs points sur ce sujet-là. On a mentionné l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'a. Et durant la semaine, il y a quelqu'un justement qui m'a posé des questions à ce sujet-là, par rapport à quelques shubuhat qui sont diffusées par rapport à ça. Certaines personnes mentionnent par exemple dans le hadith de Hatib ibn Abi Balta'a certaines choses qui sont mentionnées à la fin du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il a envoyé Ali radiallahu anhu et l'autre sahabi qui était avec lui, et c'était l'autre sahabi qui est parti avec lui, si je ne me trompe pas, c'était Amr ibn al-As, juste un instant, je vais vérifier. Ma'aka min al-Muhajirin. Ok. Donc c'est ça. C'était Ana, ba'athani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ana wa Zubayr wa al-Miqdad ibn al-Aswad. Donc c'est Ali qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé, moi ainsi que Az-Zubayr et Al-Miqdad ibn al-Aswad. Donc c'était les trois qui sont partis. Donc dans certaines narrations que j'avais entendues, c'était Ali radiallahu anhu et un autre sahabi qui était parti. Donc dans l'histoire à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc quand ils sont partis pour aller chercher la lettre que Hatib avait écrite pour les gens de Mecca, pour les mouchriquins de Mecca, pour les informer du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigeait vers eux, hein, pour les avertir. Donc il a donné cette lettre à une dame ou à une femme, et Ali radiallahu anhu et ceux qui étaient avec lui sont partis pour intercepter cette femme sous l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc lorsqu'ils sont revenus avec la lettre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Hatib ibn Abi Balta'a, et il a lu la lettre que Hatib avait écrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Hatib, ma hadha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Hatib, oh Hatib, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette lettre que tu as écrite aux mouchriquins pour leur dire que j'arrivais? Alors, Hatib, radiallahu anhu, il a dit, « قال, يا رسول الله, لا تعجل علي. إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم يكن أو ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. Donc Hatib radiallahu anhu a dit, ô messager d'Allah, ne te précipite pas sur, par rapport à mon cas. J'étais une personne qui était collée à Quraysh, mais je ne faisais pas partie de Quraysh. Tandis que parmi les muhajirin, parmi les sahaba, les muhajirin, il y en a parmi eux qui ont des liens de parenté à Mecca qui protègent leur famille et leurs biens. Alors j'ai voulu, du fait que, étant donné que je n'avais pas de lien de parenté avec eux, j'ai voulu compenser pour qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce que je n'ai pas sur le plan des liens de parenté, par le fait de justement venir informer certains d'entre eux pour qu'ils protègent mes biens et ma famille, puisque moi j'ai pas de lien de parenté pour que ces parents-là protègent mes biens et ma famille. Et il dit, je ne l'ai pas fait par kufr ou par apostasie ni par satisfaction vis-à-vis du kufr après l'islam, c'est-à-dire j'ai pas voulu rejeter l'islam et retourner au kufr ou faire ça par apostasie. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, sadaqt, laqad sadaqakum. Il vous a dit vrai. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé aller. Et Omar radiallahu anhu a dit, ya Rasulallah, da'ni adrib unuqa hadha al-munafiq. Donc Omar radiallahu anhu, il dit, ô messager d'Allah, laisse-moi frapper le cou de cet hypocrite. Et il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ensuite, قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. Donc Omar radiallahu anhu, après avoir dit cette parole, parce que c'est un ijtihad de la part de Omar, qui considère que ce sahabi a fait une action qui implique ou qui pourrait impliquer une forme d'hypocrisie, et donc il a demandé de lui frapper le cou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé et a dit non, et il a mentionné que étant donné que il a dit c'est un compagnon qui a assisté à la bataille de Badr, et Allah subhanahu wa ta'ala a donc observer les gens de la qui ont participé à la bataille de Badr, et il a dit, faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim également, ce hadith. Et donc par rapport à ceux qui ont ramené des shubuhad à propos de ce hadith là il y en a qui ont dit que l'espion dans l'islam doit être exécuté, et les ulama ont expliqué par rapport à ça que dans l'islam, l'espion, s'il est expliqué, s'il est exécuté, ça revient à la décision du dirigeant. Le cheikh Mohamed Bazmoul, rahimahullah wa hafizahullah, il a un livre qui s'appelle Ar-Radd ala Kutubin Mashbuha. Et dans ce livre, il répond aux shubuhat qui sont ramenés par des takfiriyins. Par rapport à certaines questions ou certains livres qui ont été écrits par les takfiriyin. Il ramène par exemple cette question du hadith de Hatib ibn Abi Balta'a et la question du dirigeant par rapport au fait que celui qui fait de l'espionnage pour les kuffars, qu'est-ce qui se passe avec lui, est-ce qu'il est kafir, est-ce qu'il n'est pas kafir. Certains ont essayé d'utiliser ce hadith-là pour essayer de justifier le takfir de certains musulmans par rapport à la question de Al-Wala wal-Bara. Le cheikh, il dit comme point numéro 4, justement à la page 48, il dit « Fihi anna qatl al-jasus al-muslim marji'uhu ila al-imam. Ala tara anna Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam lam yarud al-hukum bi qatli Hatib illa limani'in wa huwa kawnu Hatib min ahli Badr. Faqala Umar, ya Rasul Allah, دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فللإمام قتل الجاسوس إذا قام لديه ما يمنع من قتله فله ذلك. Donc le cheikh explique que le fait d'exécuter l'espion musulman qui espionne pour les non-musulmans, par exemple, dit ça revient à la décision du dirigeant. Ne vois-tu pas dans ce hadith que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a renvoyé le verdict de tuer Hatib? Il a refusé le verdict de tuer Hatib pour une chose qui vient comme un empêchement de la chose qui est venue comme empêchement pour le fait que ce jugement là soit appliqué. Il dit que c'est parce que Hatib faisait partie des gens de Badr, et Omar ibn Khattab, quand il a dit au messager d'Allah, laisse-moi tuer cet hypocrite ou frapper le cou de cet hypocrite, il a dit Hatib a participé à la bataille de Badr, et Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a regardez les gens de Badr et il leur a dit, faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. Donc Cheikh dit que l'imam il peut exécuter l'espion si il voit que il y a une raison qui vient empêcher le fait qu'il soit exécuté, alors il a le droit aussi de ne pas l'exécuter. Et le Cheikh il dit voilà yuqal الذي منع الحكم بكفر حاطب كونه من أهل بدر لأننا نقول لو كان ما صدر منه كفرا غير محتمل لكفر وبطل ما معه فإن الكفر يحبط العمل. Donc le cheikh explique que on ne dit pas par contre que ce qui a empêché le fait de dire de Hatib qu'il est kafir, c'est le fait qu'il ait participé à la bataille de Badr. Parce qu'on dit que si Hatib avait fait un kufr qui n'était pas, qui n'avait pas d'autres implications, ou si on dit que Hatib n'avait pas fait une action qui n'avait pas d'autres implications que le kufr, c'est-à-dire que s'il avait fait un kufr qui est évident et clair, eh bien, on aurait déclaré Hatib comme étant kafir. Et tout ce qu'il aurait fait comme bonne action aurait été annulé. C'est-à-dire même le fait qu'il ait participé à la bataille de Badr, ça n'aurait pas été quelque chose qui aurait pu le protéger ou l'empêcher qu'il soit exécuté par rapport à son kufr. Puisque le kufr annule toutes les œuvres. Donc même si quelqu'un aurait participé à la bataille de Badr et que par la suite il quitte l'islam, il fait quelque chose qui le fait sortir de l'islam, eh bien c'est clair que ces bonnes œuvres qu'il a fait à Badr seront annulées et vaines. Donc on ne peut pas utiliser ça comme un argument pour dire que c'était pour ça que Hatib n'a pas été exécuté ou tué par rapport à un kufr qu'il aurait commis. Et que, par contre, parce que l'argument des takfirines, c'est quoi? C'est de dire que, si lui, il n'a pas été exécuté, c'était uniquement parce qu'il a participé à la bataille de Badr. Mais toute autre personne qui ne fait pas partie de ceux qui ont participé à la bataille de Badr, s'ils sont trouvés dans la même situation, ils prétendent qu'ils doivent être exécutés, eux, sans excuse. Et il n'y a pas de doute que ça, c'est incorrect. Puisque le fait que quelqu'un aide, par exemple, comme ce que Hatib a fait, envoie une lettre aux mouchriquines pour leur donner des informations sur les musulmans, que c'est possible, effectivement, que quelqu'un le fasse par hypocrisie et par kufr. Mais c'est également possible que la personne le fasse pour une autre raison, parmi les raisons de la dunya, comme l'exemple pour laquelle Hatib l'a fait, hein, qui montre que en fait c'est une chose qui peut impliquer quelque chose qui est kufr et qui peut également impliquer quelque chose qui ne l'est pas. Et c'est pour ça que le dirigeant, avec son jugement, il analyse les raisons qui sont données par la personne qui a commis ce genre de choses, puis il décide par la suite. Est-ce que cette personne-là mérite ou non d'être exécutée? Et encore là, ça ne nécessite pas, ça ne veut pas dire nécessairement que la personne soit mécréante, même si elle est exécutée dans certains cas. Et il y a la parole aussi du Cheikh Abdul Latif Ibn Abdul Rahman Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab Rahimahullah dans Ad-Durar al-Saniya Fil Ajwibat al-Najdiya, le volume 1, page 472 à 474, il dit وَتَأَمَّ الْقِصَةَ حَاطِبِ ابْنُ أَبِي بَلْدَعَ وَمَا فِيهَ مِنَ الْفَوَائِدِ. Donc il dit, médite sur l'histoire de Hatib ibn Abi Balda'a et ce qu'elle contient comme point bénéfique. فَإِنَّهُ هَاجَرَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Donc il a fait la hijra, hein? Il a quitté la Mecque vers Médine, il est allé pour rester avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَجَهَدَ فِي سَبِيلِهِ. Et il a fait le jihad fi sabilillah. ولكن حدث منه أنه كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة. Sauf que il s'est produit de sa part qu'il a écrit une lettre aux mushrikins, les gens de Mecca, pour les informer du secret du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, de ses plans. يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصيره لجهادهم. ليتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة. Et donc il leur informait de la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam de partir vers eux pour les combattre, et il voulait par cela chercher un support ou une défense auprès des mouchriquins de la Mecque pour protéger sa famille et ses biens qui sont à Mecca. فنزل الوحي بخبره وكان قد أعطى الكتاب ضعينة جعلته في شعرها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير في طلب الضعينة وأخبرهما أنهما يجدانها في روضة خوخ أو روضة خاخ فكان ذلك وتهدداها حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ils expliquent que la révélation a été descendue sur le messager صلى الله عليه وسلم pour l'informer que la lettre avait été envoyée par une femme qui s'appelait Zaina, et elle l'avait placée dans ses cheveux, cette lettre. Et il a envoyé Ali radiallahu anhu et Zubair pour la rechercher. Donc elle l'avait placé dans ses tresses et elle l'a sorti lorsqu'il a été menacé par Ali radiallahu anhu et Zubair. Fada'a Hatib ibn Abi Balta'a faqala lahuma hadha faqala ya Rasulullah inni lam akun. Bon, il y a toute l'histoire qui est mentionnée. Puis il dit ensuite, فقال اعلموا اعملوا ما بون عندي فقال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. Donc pour faire expliquer que pour expliquer ici que le verset de sourate al-mumtahana, le verset 1, les premiers versets qui sont mentionnés dans sourate al-mumtahana sont révélés à propos de l'histoire justement de Hatib ibn Abi Balta'a. Cheikh dit, فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il mentionne dans le verset 1 dans sourate al-Mumtahana, ou à partir du premier verset, Allah il s'adresse à qui? Il s'adresse aux croyants. Ya ayyuha alladhina amanu, ô vous qui avez cru. Le Cheikh il dit, donc ça prouve que Hatib il se fait adresser par le nom de la foi. C'est la preuve qu'il fait partie des croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit comme tel, ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme allié. وتناوله النهي بعمومه وله خصوص السبب الدال على إرادته مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن في حاطب نوع موالاة وأنه أبلغ إليهم بالمودة وأن فعل ذلك قد ضل سواء السبيل. Donc, le cheikh, il dit ensuite que, donc, il est compris de façon générale par l'interdiction et il a également la cause de la révélation qui vient indiquer la spécificité de son cas par rapport à qu'est-ce qu'il a voulu faire. Il dit le cheikh toutefois, il y a dans le verset également ce qui donne l'impression que l'action de Hatib est une forme d'alliance et que il a voulu c'était comme il leur offrait une forme d'amitié et que celui qui fait ce genre de choses, il s'est égaré de la droiture du sentier. Il dit ولكن قوله صدقكم خلوا سبيله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي ولو كفر لما قال خلوا سبيله. Donc le cheikh Abdul Latif il dit toutefois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il vous a dit vrai, laissez-le aller, laissez-le partir. Et ça, c'est très clair par rapport au fait que, pour montrer qu'il n'a pas mécru à cause de ce qu'il a fait. Et qu'il était croyant en Allah et en son messager et qu'il n'a pas douté. Il n'était pas dans le doute. Il a fait cela uniquement pour une raison de la dunya, pour quelque chose de la dunya. Et il dit, et s'il avait mécru, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit, laissez-le partir. Il n'aurait pas dit ça. Parce que s'il aurait mécru, eh bien la peine pour ça, c'est qu'il aurait été exécuté. Donc, le cheikh il dit ensuite, voilà yuqal, et c'est ça le point important ici pour comprendre, il dit, voilà yuqal. قوله صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هو المانع من تكفيره لأن نقول لو كفر لما بقي من حسناته وما يمنع من لحاق الكفر وأحكامه من لحاق الكفر وأحكامه فإن الكفر يهدم ما قبله لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع فلا يظن هذا. Donc ici il explique que on ne doit pas dire que la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui vous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a regardé les gens de, c'est-à-dire il mentionne le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a regardé les gens de Badr et qu'il leur a dit faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. On ne doit pas dire que c'est ça qui a empêché le takfir de Hatib, c'est-à-dire que le prophète ne l'aurait pas déclaré kafir pour la raison qu'il a participé à la bataille de Badr. On n'a pas le droit de dire ça. Pourquoi? Parce que si il avait commis un acte de kufr réellement, bien, il n'y aurait aucune de ses bonnes œuvres qui serait restée. Et il n'y a rien qui aurait pu empêcher le fait qu'on lui attribue le kufr et qu'on applique sur lui les règles du kufr. Parce que le kufr vient annuler tout ce qui était précédent, c'est-à-dire tout ce qui vient auparavant. Donc si quelqu'un a fait les plus belles œuvres du monde, puis que par la suite il fait un acte de kufr, ou il fait quelque chose qui est kufr, il quitte l'islam, eh bien, toutes ces actions sont vaines. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le dit dans le verset 5 dans Surat Al-Ma'ida, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Le verset 5 dans Surat Al-Ma'ida, celui qui rejette la foi, alors son œuvre devient vaine. Et le verset 88 dans Surat Al-An'am, et s'ils avaient mécru, on aurait annulé toutes leurs œuvres. On aurait rendu vaines toutes leurs œuvres. Donc, le kufr, c'est quelque chose qui annule complètement les bonnes œuvres et la foi. Et ça, c'est selon le consensus. Et donc, on n'a pas le droit de penser cela. Hein? Donc, ça, c'est les versets. Donc ça c'est tiré de Ad-Durar As-Saniya fi Al-Ajwibati An-Najdiyya. Je pense que ça clarifie le point, puis celui qui veut avoir encore plus de détails, eh bien il peut revenir à ce livre de Cheikh Mohamed Bazmoul où il réfute un takfiri qui ramène des choubouhats au sujet de Al-Wala Wal-Bara. C'est de la page 42 à 56 dans le livre Ar-Radd ala Kutubin Mashbuha. Il réfute un égaré parmi les takfiriens qui s'appelle Mohamed Al-Maqdisi, je pense, ou Abu Mohamed Al-Maqdisi, qui a écrit deux ou quelques, il y en a plusieurs livres, mais parmi eux il y en a deux en particulier qui ont été propagés un peu partout et qui sont même traduits en français, même sur internet, et qui font, par exemple, il y en a un, c'est sur le takfir de l'Arabie Saoudite, Al-Kawashif, donc le Cheikh Bazmoul, il l'a réfuté, et l'autre livre qui s'appelle Millat Ibrahim, également, que Cheikh Bazmoul il a réfuté aussi. Donc ces deux livres-là sont réfutés dans ce livre qui s'appelle Ar-Radd ala Kutubin Mashbuha, très très très très bon livre. Donc on revient, nous, à notre livre, à notre sujet habituel, donc le livre qu'on étudie chaque semaine. Et on est arrivé au point numéro 2 parmi les points qu'on va clarifier par rapport à Al-Wala Wal-Bara. Et le point d'aujourd'hui, c'est Al-Adillatu Dalla ala Wujub Al-Wala Wal-Bara, c'est-à-dire les preuves qui viennent prouver l'obligation de Al-Wala Wal-Bara. Naam. Donc, oui, c'est ça. Donc, les preuves de l'obligation de Al-Wala Wal-Bara. Donc, le Cheikh, il explique maintenant les versets dans le Coran qui prouvent que le principe de Al-Wala Wal-Bara, c'est obligatoire de l'appliquer, que ça fait partie des principes et des fondements de l'islam. Donc le cheikh il ramène les preuves. Donc il dit min usul al-aqida al-islamiyya annahu yajib ala kulli muslimin yadinu bi kalimat at-tawhid an yuwali ahlaha wa yu'adi a'da'aha fa yuhibb ahla at-tawhid wal-ikhlas wa yuwalihim wa yubghid ahla al-ishrak wa yu'adihim. Donc il dit le cheikh que parmi les fondements de la aqida de l'islam, la croyance islamique, c'est qu'il est obligatoire à tout musulman qui croit et qui pratique la parole du tawhid, c'est obligatoire pour lui de prendre pour allié et d'aimer les gens du tawhid, les gens qui pratiquent et qui défendent le tawhid, et c'est obligatoire pour lui de détester et de s'opposer aux ennemis du tawhid. Donc il est obligatoire donc pour lui d'aimer les gens du tawhid et de la sincérité et de la pureté dans l'adoration et de les prendre pour alliés et de détester et de s'opposer et d'avoir de l'animosité envers les gens du shirk par rapport à leur shirk. Donc le cheikh explique ensuite, il dit وَذَلِكَ مِنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمِ وَالَّذِينَ مَعَهُ الَّذِينَ أُمِرْنَا بِالِاقْتِدَاءِ بِهِمْ حَيْثُ يَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Donc le cheikh il dit que ça c'est la religion d'Abraham, c'est ça la religion d'Abraham et de ceux qui étaient avec lui, ceux qu'on a été ordonnés, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prendre comme modèle. Lorsqu'il dit dans le verset 4 dans sourate Al-Mumtahana, il dit, il y a certes pour vous un bon exemple à suivre dans l'exemple d'Abraham et de ceux qui ont été avec lui parmi les croyants, lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions et il est apparu entre nous et vous une animosité et une haine qui va durer pour toujours, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Donc ça, c'est un verset qui nous indique qu'on est obligé d'appliquer ce principe-là, puisque c'est un modèle que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné comme étant un bon modèle pour nous. Hein? Et c'est ça la réalité de l'islam et du tawhid et de la religion d'Abraham. Hein? Tandis qu'on voit aujourd'hui des musulmans qui prétendent appeler à l'exemple d'Abraham et qui appelle au contraire de la religion d'Abraham, en particulier parmi les Ikhwan et parmi ceux qui suivent ces tendances parmi les soufis et autres. Vous voyez par exemple ces gens-là qui appellent à des rapprochements entre les religions et à des unifications des religions, ou bien à qu'est-ce qu'ils appellent les dialogues interreligieux, des choses de ce genre, et ils appellent donc toutes les religions à se rapprocher entre elles, puis à voir qu'elles sont toutes bonnes et qu'elles sont toutes correctes, hein, des choses de ce genre, et à pas dire d'une de ces religions-là qu'elle est fausse ou qu'elle est une religion d'égarement, ou de dire qu'ils sont dans le coffre ou que ce sont des mouchriquines. Il faut s'accepter tous les uns les autres malgré nos différences et des choses de ce genre. Il ne faut pas appeler les autres à notre religion ou dire des autres religions qu'elles ne sont pas vraies, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est basé sur l'égarement à la base, puisque c'est le contraire même de la religion d'Abraham, hein? Puisque la religion d'Abraham, c'est de se désavouer de tout ce qui est faux et de tout ce qui est contraire au tawhid. Donc tu vois par exemple ces soi-disant musulmans qui participent à ces dialogues-là, ils disent aux kuffars, acceptez que notre religion est une grande religion, une belle religion, acceptez que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète, comme si vous allez dire oui, on croit que votre prophète est un prophète, sauf qu'en même temps, nous de notre côté, hein, on va faire des compromis avec vous dans la religion, puis on va accepter de changer certaines choses pour vous faire plaisir parmi les choses qui vous dérangent dans l'islam. On va par exemple accepter la démocratie, on va accepter la laïcité, on va accepter les principes d'égalité entre l'homme et la femme dans toutes choses, hein, et on va éliminer qu'est-ce que vous aimez pas par rapport à l'islam, comme par exemple la da'wa ou le djihad ou des choses comme ça. Puis vous de votre côté, vous, eh bien vous nous acceptez, puis vous dites que oui, l'islam c'est une belle religion et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam effectivement c'est un prophète, un grand prophète, et puis on va tous être contents. Donc ça c'est le kufr, hein, et c'est l'égarement, c'est pas l'islam. C'est pas permis aux musulmans de participer à ce genre de dialogue ou de rapprochement si c'est ça l'objectif. Et Cheikh Al-Fawzan, alhamdoulilah, il a expliqué à ce sujet-là. Il a dit que que si c'est dans le but de les appeler à l'islam et de réfuter leur kufr et de montrer leur égarement et de les amener au tawhid, dans ce cas-là, c'est permis de faire un dialogue dans le but de les appeler à la vérité et de les faire quitter le faux. Mais si l'objectif, c'est juste que chacun va aller là-bas pour se flatter le dos, hein, ou comme on dit, se flatter dans le sens du poil, chacun dit de l'autre « oui, vous êtes bon », et l'autre il dit de l'autre « oui, vous êtes bon » et tout, et qu'ils se mettent d'accord sur le coffre et sur le shirk, hein, et bien là, dans ce cas-là, c'est pas permis. Et le cheikh il dit ensuite donc « wa huwa dinu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam » كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وهذه في تحريم موالاة أهل الكتاب خصوصا وقال عز وجل في تحريم موالاة الكفار عموما يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. Donc, le cheikh explique que c'est non seulement que c'est la religion d'Ibrahim, alayhi salam, mais c'est la religion également du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il mentionne dans le verset 51 dans Surat al-Ma'ida, « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, alors il sera un des leurs, et Allah certes ne guide pas les peuples injustes. » Et ça, c'est une interdiction de prendre les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, comme alliés en particulier, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, dans d'autres versets, comme le verset 1 dans Surat al-Mumtahana, il interdit de prendre pour alliés les kuffars de façon générale lorsqu'il dit « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi pour alliés. » C'est-à-dire les kuffars et les mushrikines de façon générale. Ensuite il dit « بَلْ لَقَدْ حَرَّمَ عَلَى الْمُؤْمِنِ مُوَالَاةَ الْكُفَّارِ وَلَوْ كَانُوا مِنْ أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ نَسَبًا » كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قال تعالى لا تتخذوا قوما لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Le cheikh il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux croyants de prendre pour alliés les kuffars, même s'ils faisaient partie des gens les plus proches, hein, dans leur famille. Comme c'est mentionné dans le verset 23 dans Surat Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas vos pères et vos frères comme alliés s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque d'entre vous les prend pour alliés, alors ceux-là sont les injustes. » Donc même si ce sont tes proches parents, mais que ce sont des koufars, tu ne dois pas les prendre pour alliés. Alors que dire des étrangers, hein, que dire des étrangers et des gens qui ne sont même pas de ta famille? Ça c'est le verset 23 donc dans Surat At-Tawba et le verset 22 dans Surat Al-Mujadala. Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier qui aime ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur frère, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou leur famille. » Donc peu importe, hein, le lien de parenté, du moment que ce sont des koufars, tu ne peux pas les prendre pour alliés et les aimer. Hein. Donc ça c'est quelque chose qui nous montre que dans l'islam, l'amour, hein, et l'alliance est basée sur la foi et non sur les liens de parenté. Hein. Donc c'est quelque chose de très important et fondamental à comprendre. Que tu dois aimer le mu'min, le croyant, même si c'est quelqu'un qui vient, hein, de très loin et qui n'a aucun lien de parenté avec toi, qui ne parle même pas la même langue que toi et qui n'est même pas de la même couleur que toi ou d'une autre, qui est totalement d'une autre origine, du moment que c'est un croyant, tu l'aimes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le kafir, eh bien, tu le détestes pour Allah, même si c'est quelqu'un qui était ton propre fils, ta propre fille, hein, ton propre père, hein, ton frère, ton oncle, ton grand-père, peu importe. Tu les détestes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, hein, si c'est tes parents, tu agis avec eux correctement, comme Allah il t'ordonne d'être juste avec eux, d'être bon avec eux, mais tu les détestes pour Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au kufr, hein, et au shirk, et à la mécréance qu'ils ont. Ça, on va y revenir en détail de toute façon plus loin, inshallah. Le cheikh, il dit: « وَكَمَا أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَرَّمَ مُوَلَاةَ الْكُفَّارِ أَعْدَاءِ الْعَقِيدَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فَقَدْ أَوْجَبَ سُبْحَانَهُ مُوَلَاةَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْصَارِ الْعَقِيدَةِ وَمَحَبَّتَهُمْ. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فالمؤمنون إخوة في الدين والعقيدة، وإن تباعدت أنسابهم وأوطانهم وأزمانهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمؤمنون من أول الخليقة إلى آخرها، مهما تباعدت أوطانهم وامتدت أزمانهم، إخوة متحابون يقتدي آخرهم بأولهم، ويدعو بعضهم لبعض ويستغفر بعضهم لبعض. ولنتصور أهمية الولاء والبراء، فسأعرض الآيات التي أنزلها الحق تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في الترهيب من موالاة الكفار، مع نقل معنى هذه الآيات من تفسير العلامة شيخ شيوخنا Abdurrahman al-Sa'di. Donc le cheikh, il explique ici, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de prendre les kuffars pour alliés, car ce sont les ennemis de la aqida de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de prendre pour alliés et d'aimer les croyants, les défenseurs de la aqida, ceux qui aiment la aqida. Donc il nous a ordonné de les aimer, hein, et de les prendre pour alliés, les croyants. Et il mentionne des versets à ce sujet, comme le verset 55 dans Sourate Al-Ma'ida. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: vos alliés sont uniquement Allah et son messager, et ceux qui ont cru, ceux qui établissent la salat, qui donnent la zakat alors qu'ils sont inclinés en recours. Et le verset 29 dans Sourate Al-Fath, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont rudes et durs envers les kuffars, tandis qu'ils sont miséricordieux entre eux. Et le verset 10 dans Surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: les croyants ne sont que des frères. Innamal mu'minuna ikhwa. Le cheikh dit donc: les croyants sont des frères dans la religion, dans la aqidah, même si ils sont éloignés dans leur lien de parenté ou dans l'endroit où ils vivent. Ils ne sont pas des gens qui ont des liens de parenté. Ils ne sont pas du même pays et ils ne vivaient pas à la même époque. Toutefois, ce sont quand même des frères, parce qu'ils étaient unis sur une seule et même aqida, une seule et même religion. Donc à cause de ça, ce sont des frères. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ceux qui sont venus après eux, ils disent: notre Seigneur, pardonne à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne met pas dans notre cœur de l'animosité pour ceux qui ont cru. Notre Seigneur, tu es certes pardonneur et miséricordieux, ou indulgent et miséricordieux. Donc, ici, on voit les versets qui prouvent que les croyants sont des frères, sont des alliés, et que les koufars sont le contraire, puisqu'ils n'ont pas cru en Allah. Aussi, il y a un point aussi que je voulais mentionner ici, c'est par rapport à ceux qui disent, par rapport aux koufars, des fois on voit ça de la part de certains qui sont, par rapport à des gens qui sont un peu ignorants par rapport à la aqida de l'islam, ou bien des fois ce sont des gens qui ont des idées qui sont des idées tirées de ceux des ikhwan, parmi les hisbiyins ou les soufiyins. Ils parlent des koufars, ils disent d'eux que ce sont nos frères. Hein. Ils disent nos frères en humanité. Et ça, c'est pas correct de dire des koufars qu'ils sont nos frères ou nos frères en humanité. Pourquoi? Ou il y en a qui disent nos frères en Adam. On n'a pas le droit de dire ça. Pourquoi? Parce que ce sont des koufars et donc ce ne sont pas nos frères. Les frères sont uniquement les croyants. Sauf si quelqu'un est réellement ton frère de ton père ou de ta mère, il a un lien de parenté avec toi, dans ce cas-là, tu dis oui, c'est mon frère, parce qu'il est de la même famille, de la même mère ou du même père. Mais si ce sont des gens qui sont étrangers à toi, eh bien, tu ne dis pas d'eux que ce sont tes frères. Hein? Tu ne dis pas d'eux que ce sont tes frères en humanité. Tu ne dis pas ça. Et il y a des fatwas, des ulama, hein, de Ahlus Sunnah à ce sujet-là. Donc, de dire ça, même si c'est pour essayer de. Comme certains, ils essaient de faire da'wah, ils pensent qu'en disant des choses comme ça, c'est bien. Non, au contraire, c'est pas bien. Même s'ils s'imaginent que c'est comme ça qu'on fait la da'wah, c'est pas comme ça qu'on fait la da'wah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait la da'wah de cette façon-là. Hein? Parce que parfois, des fois, on s'imagine qu'on fait quelque chose de bien. Parce qu'on pense que c'est quelque chose qui est positif, mais on ne réalise pas qu'en même temps on est en train de faire quelque chose qui est contraire à la sunna, et donc à la fin ce ne sera pas quelque chose de bon, même si on pense que c'est bon. Hein? Donc il ne faut pas se laisser aller par nos sentiments et nos émotions par rapport à ces choses-là. Il faut voir les choses selon qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, et qu'est-ce qu'il nous explique, et qu'est-ce qu'il nous a enseigné. Et on doit suivre sa guidance. Et là, c'est très important, cette question de Al-Wala ou Al-Bara. Le Cheikh, il dit ensuite, Fal-Mu'minun, donc les croyants, depuis la première des créatures jusqu'à la dernière, même s'ils sont très éloignés par rapport à leur pays d'origine, ou par rapport à l'époque dans laquelle ils vivaient, hein, eh bien, ce sont tous des frères qui doivent s'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'exemple des sahaba, l'exemple des sahaba, on doit les aimer, ils nous ont précédés dans la foi, et on fait des doigts pour eux, donc même si on n'a pas vécu avec eux, mais quand même, on est des frères, et ce sont nos frères, et on doit les aimer. Même s'ils viennent d'une autre origine, ou ils parlaient d'une autre langue, ils étaient d'un autre pays. Mais quand même, ce sont nos frères, Allah subhanahu wa ta'ala, et on est obligé de les aimer pour ça. Hein? Et c'est une ibadah, c'est une adoration. Donc, le Cheikh, il dit, nous sommes des frères qui devons nous aimer. Et on se suit les uns les autres. C'est-à-dire, les derniers d'entre nous suivent les premiers. Et on fait les invocations les uns pour les autres, et on demande pardon les uns pour les autres. On demande à Allah pardon les uns pour les autres. Et pour comprendre l'importance de Al-Wala wal-Bar dans la religion de l'islam, le Cheikh dit, je vais vous présenter certains versets qu'Allah a révélés à son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour inciter, ou bien plutôt pour décourager et faire peur aux croyants par rapport à l'alliance avec les koufars, pour leur montrer le fait que le prendre pour, les koufa pour allier, c'est quelque chose qui est grave, que c'est quelque chose qui est très dangereux, qui peut même amener quelqu'un à quitter l'islam. Et il mentionne donc les versets qui parlent de ça, et il mentionne par la suite l'explication de ces versets-là dans le tafsir du Cheikh Al-Allama, le Cheikh de nos shuyukh, Abdurrahman Al-Sa'di, rahimahullah. Donc ici, ça c'est maintenant, il va citer 13 versets dans différentes sourates qui parlent de Al-Wala Wal-Bara et qui clarifient donc l'obligation de Al-Wala Wal-Bara. Mais il y a un point que je veux vous lire dans un autre livre, qui est un livre qui s'intitule Sharh Risalat al-Dala'il fi Hukm Muwalat Ahl al-Ishraq. Et ça, c'est un livre du Cheikh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, expliqué par le Cheikh Saleh al-Fawzan. C'est un très bon livre et très important aussi par rapport à cette question de Al-Wala wal-Bara aussi. Et j'aurais voulu vous lire une partie où il explique que les gens par rapport à Al-Wala wal-Bara sont divisés en plusieurs catégories. Mais là, je suis en train de me demander quand est-ce que ce serait le meilleur moment pour parler ou lire ce point-là. Peut-être on trouvera un jour un cours en particulier pour en parler, Inch'Allah. De toute façon, il y a des points qui sont mentionnés parmi ces points-là. Il y en a qui sont mentionnés dans le livre qu'on est en train de lire. Donc, c'est pour ça que je me disais, est-ce que c'est nécessaire vraiment de le faire ou non? Puisque la plupart de ces versets qu'on mentionne maintenant sont justement expliqués aussi dans le livre en question, dans le livre Sharh Risalat al-Dala'il. Donc c'est justement pour interpréter et expliquer chacun de ces versets, ou là, plusieurs d'entre ces versets-là qui sont mentionnés. Donc si c'est possible, un jour on lira ce livre-là ensemble, Inch'Allah. En attendant, on va commencer par le premier verset. Le premier verset, c'est le verset 28 en sourate Al-Imran. Donc dans sourate Al-Imran, le verset 28, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: La yattakhidhi al-mu'minun al-kafirina awliya' min duni al-mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Donc le verset 28 qui signifie que les croyants ne prennent pas pour alliés les koufars, les mécréants, au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Et c'est à Allah que sera le retour. C'est à Allah le retour. Donc ce verset, c'est le premier verset qui est mentionné dans Al-Wala wal-Bara, dans les versets qui sont mentionnés par le Cheikh. Donc oui. Donc le verset, on a lu la traduction. Le Cheikh Sa'di va l'expliquer maintenant. Il explique dans son tafsir Taysir al-Karim al-Rahman, il dit: هذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعانة بهم على أمر من أمور المسلمين وتواعد على ذلك فقال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء أي فقد انقطع عن الله وليس له في دين الله نصيب لأن موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمان لأن الإيمان يأمر بموالاة الله وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائه تعالى. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فمن والى الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويطفئوا ويفتنوا أولياءه خرج من حزب المؤمنين وصار من حزب الكافرين. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي الآية وفي هذه الآية دليل على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم وصداقتهم والميل إليهم والركون إليهم، وأنه لا يجوز أن يولى كافر ولاية من ولايات المؤمنين من ولايات المسلمين، ولا يستعان به على الأمور التي هي مصالح لعموم المسلمين. قال الله تعالى إن إلا أن تتقوا منهم تقى، أي تخافوهم على أنفسكم فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية باللسان وإظهار ما به تحصل التقية. Donc on va lire cette traduction ici de ce verset. Cheikh Sa'di, il explique dans son tafsir donc que ce verset-là, verset 28 dans Surat Al-Ma'ida, il signifie que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux croyants de prendre pour alliés les kuffars, de les aimer, hein, c'est-à-dire de les aimer, de les défendre, de leur venir en aide contre les croyants, et que on ne doit pas donc leur venir en aide contre les musulmans. Et il a menacé à ce sujet-là en disant que celui qui faisait ça, il n'a rien à voir avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il s'est coupé d'Allah subhanahu wa ta'ala et il n'a donc plus de portion de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le fait de prendre les kuffars pour alliés ne peut pas se réunir avec la foi. C'est-à-dire on ne peut pas réunir la foi et le fait de prendre les kuffars pour alliés. Parce que la foi nous ordonne de prendre pour alliés Allah et ses alliés parmi les croyants, et de collaborer et de coopérer avec eux dans l'établissement de la religion d'Allah et dans la lutte contre ses ennemis. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset dans Surat At-Tawbah que les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Donc les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres et non pas alliés des kuffars. Donc celui qui prend les mécréants comme alliés en dehors des croyants, qui prend pour alliés les kuffars qui veulent éteindre la lumière d'Allah et qui veulent tester les croyants, il les prend pour alliés en dehors des musulmans, des croyants, alors il est sorti du parti des croyants et il est devenu un membre du parti des mécréants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit et quiconque les prend pour alliés parmi vous, il devient un des leurs. Et ça c'est le cheikh dit que dans ce verset là il y a donc la preuve qu'il faut pour le croyant s'écarter, s'éloigner des kuffars et de ne pas cohabiter avec eux, de ne pas les prendre pour amis et de ne pas pencher vers eux et de les prendre comme aide ou support, et que ce n'est pas permis pour les croyants de donner à un kafir une autorité ou une place d'autorité sur les croyants ou sur les musulmans, ni de leur demander l'aide en quoi que ce soit des affaires qui ont rapport avec les bienfaits généraux des musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset excepté si vous craignez d'eux un mal, donc vous cherchez à vous en protéger. Donc dans ce cas-là, c'est-à-dire que vous craignez un mal pour vous-même, et donc dans ce cas-là, c'est permis pour vous de faire ce qui va vous permettre de préserver votre sein en vous protégeant par votre langue, c'est-à-dire en montrant en laissant paraître ce qui va vous procurer une protection contre eux. Ça c'est la fin de la citation. Et ce verset là il est un peu cette explication là était un peu générale, et puis le cheikh il rentre pas dans les détails, dans l'explication. Toutefois, ce verset-là, ce même verset a été expliqué par Cheikh Saleh Al-Fawzan dans justement le livre Risalatu, Sharh Risalat Dala'il. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lire qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan a dit par rapport à ce verset dans Sharh Dala'il. Il dit à la page 58, à partir de ce, par rapport à ce verset, il dit « Naha subhanahu wa ta'ala al-mu'minin an ittikhaz al-kafirina awliya wa astiqa wa ashaban min dunil mu'minin wa in kanu khaifina minhum wa akhbara anna man fa'ala thalika falaysa min Allahi fi shay ay la yakunu min awliya illah al-maw'udina bin-najati fi al-akhirah إلا أن تتقوا منهم تقاتل وهو أن يكون الإنسان مقهورا معهم ولا يقدر على عداوتهم فيظهر لهم المعاشرة والقلب مطمئن بالبغضاء والعداوة وانتظار زوال المانع فإذا زال رجع إلى العداوة والبغضاء فكيف بمن اتخذهم أولياء من دون المؤمنين من غير عذر إلا استحباب الحياة الدنيا على الآخرة والخوف من المشركين وعدم الخوف من الله فما جعل الله الخوف منهم عذرا بل قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. Cheikh, il dit, pour commencer, que Allah nous interdit aux croyants de prendre les koufars pour alliés, pour amis, pour compagnons, en dehors des croyants. Et ça, c'est quelque chose qui est dangereux, très dangereux, surtout pour les jeunes. Et on voit que dans les pays de Kouf, en particulier les musulmans, ils laissent leurs enfants prendre pour amis n'importe qui. Et en particulier prendre des koufars ou des gens qui vivent de manière contraire à l'islam. Et ça, ça fait que, par la suite, ils développent des comportements puis des attitudes contraires à l'islam, qui sont interdites par l'islam, et qu'ils considèrent comme ça, ça comme étant normal. C'est-à-dire de vivre d'une manière qui est contraire à l'islam. Donc tu vas voir, par exemple, un jeune garçon musulman qui va commencer à prendre de l'alcool, prendre de la drogue, sortir avec des filles, et des garçons qui, et des filles qui font la même chose aussi, c'est-à-dire des garçons, des filles qui vont sortir avec des garçons, qui vont se mélanger avec eux, fumer de la cigarette, de la drogue, qui vont boire de l'alcool, ne pas se vêtir islamiquement, se couper les cheveux d'une façon parfois bizarre, imiter tout ce que font les koufars en fait. Et ça, c'est parce qu'ils ont pris pour amis et pour compagnons des koufars justement. Puis les parents n'ont pas vu le danger qu'il y avait là-dedans. Donc c'est très important pour les musulmans de surveiller leurs enfants, à savoir qui ils prennent pour amis et compagnons, même à l'école. C'est-à-dire, même à l'école, ils ne doivent pas prendre des amis koufars. Hein. Donc ça, c'est très important, ça. Et beaucoup de gens, ils ne voient pas le danger qu'il y a là-dedans, mais c'est très, très, très dangereux. Et c'est une des sources d'égarement les plus grandes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a averti à ce sujet-là parce qu'il a dit dans un hadith authentique: Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ayyukum man yukhalil. C'est-à-dire que une personne sera sur la religion de son ami proche. Alors que, vérifiez, chacun de vous vérifie qui il prend pour ami proche, qui il prend pour Khalil. Hein? Donc, si quelqu'un il est avec quelqu'un et il se tient avec cette personne tout le temps, c'est son ami proche, hein, son meilleur ami, eh bien, il va être sur la même croyance, même pratique que lui dans la religion, ou dans le comportement, ou dans la façon de penser, ou dans les idées. Hein? Donc, faites attention à qui vous prenez comme ami. Par rapport à ça, c'est très très dangereux. Et si vos amis sont des koufars, eh bien, vous risquez facilement d'être des koufars, et surtout si vous n'avez pas de connaissance de l'islam et si vous n'avez pas de pratique de l'islam. Si vous êtes des gens qui êtes fermes dans votre aqidah, dans votre comportement, et que certains koufars vous apprécient par rapport à ces caractéristiques-là, et qu'ils ont du bien en eux, eh bien, dans ce cas-là, c'est possible que ce soit le contraire. C'est-à-dire, c'est possible que ce soit eux qui soient influencés de façon positive et qui commencent à développer des bons comportements du fait qu'ils vous côtoient. Mais si c'est le contraire, c'est-à-dire que vous êtes des personnes faibles, des personnes influençables, qui n'avaient pas de connaissance de l'islam et qui ne pratiquaient pas l'islam et que vous avez un complexe d'infériorité, ou bien que vous n'êtes pas une personne avec une personnalité forte, vous êtes influençable facilement, et que vous côtoyez ces gens-là, c'est très facile pour eux de vous faire tomber, parce qu'ils vont vous inciter petit à petit à faire comme eux. Quand ils sont avec les musulmans, ils leur disent, mais oui, allez, vas-y, n'y a rien de mal, c'est pas grave, tu vas voir juste une fois, et puis ça commence comme ça, et puis après c'est une autre chose, puis après c'est une autre chose, jusqu'à ce que la personne par la suite ait dit, ouais, mais c'est vrai, tout le monde le fait, donc tous les koufars ils le font, donc si eux ils le font, pourquoi pas moi, même si je suis musulman, bon, il y a plein de musulmans qui le font. Et c'est ça l'argument souvent des koufars par rapport aux musulmans, c'est de leur dire, ah mais regarde, lui est musulman, il le fait. Ou lui est musulman, regarde qu'est-ce qu'il fait. Et après ça, tu dis, ouais, mais eux, ils se disent musulmans, ou ils sont musulmans, mais ils ne pratiquent pas, ils sont égarés, ils sont perdus, ils ne sont pas religieux. Ah oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Tu vois, c'est comme ça. Donc, ça c'est très très dangereux. Et le cheikh il dit, ça c'est les imiter dans les affaires de haram, même si tu les considères, bon, tu les imites et tu les prends pour alliés dans ces choses-là qui sont haram, sans toutefois aimer leur religion, ou considérer leur religion comme étant vraie. Donc ça reste quelque chose de très dangereux et de très grave, même si c'est pas nécessairement kufr qui fait sortir de l'islam. Il dit, il les a pris pour alliés uniquement par amour de la dunya, il aime plus la dunya que l'au-delà, et parce qu'il a peur des mouchriquins et qu'il n'a pas peur d'Allah. Donc c'est pas une crainte qui est basée sur une crainte, sur une raison réelle. Par exemple, il y en a déjà qui disent, oh, mais on a peur que les koufars, les mouchriquins vont nous faire des problèmes. Mais c'est pas réel, une peur réelle, c'est pas une crainte réelle, c'est juste parce qu'ils sont gênés, ou bien parce qu'ils ont peur en eux-mêmes des mouchriquins plus que d'Allah. Mais c'est pas une vraie excuse. Et c'est pour ça que le cheikh, il dit que Allah a pas fait de la crainte une excuse pour justement être allié des koufars et des mouchriquins. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Donc parce que par Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 175 dans sourate Al-Imran, il dit c'est uniquement le shaitan qui veut vous faire peur par ses alliés. C'est-à-dire par ses alliés parmi les kuffars, il veut faire peur aux croyants avec eux. Alors ne les craignez pas, mais craignez-moi si vous êtes croyants. Donc il ne faut pas avoir peur, et la peur c'est pas une excuse pour agir de cette façon-là, comme certains parmi les hizbiyyin qui agissent en hypocrite et qui font qu'est-ce qui est interdit dans les fondements de l'islam, ils acceptent des choses qui sont en opposition avec les bases même de la religion, soi-disant parce qu'ils veulent se protéger des koufars, ou bien parce qu'ils veulent obtenir des faveurs des koufars, ou bien parce qu'ils disent qu'ils ont peur de certaines choses de la part des koufars, donc ils commencent à contredire l'islam à cause de ça. Ça, il n'y a pas de doute que c'est inacceptable. Donc ça ici, c'était la parole du cheikh. Souleyman. C'est la parole du Cheikh Souleyman. Le Cheikh Al-Fawzan, c'est plus bas. Donc le Cheikh, il dit, وقوله تعالى, parce que moi je pensais que c'était la parole de Cheikh Al-Fawzan ici, mais ça c'est la parole de Cheikh Souleyman ibn Abdul Wahhab. Maintenant, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ici maintenant. قوله تعالى لا يتخذي أي لا الناهية هذه لا الناهية ولذلك جزمت الفعل يتخذي بكسر تخلصا من التقاء الساكنين أصلها لا يتخذ بالسكون لما كان يلتقي ساكن مع ساكن حركت الذال المجزومة بالكسرة تخلصا من التقاء الساكنين المؤمنون أي أهل الإيمان والإسلام الكافرين وهم الذين كفروا بالله عز وجل وبرسوله وأبوا أن يدخلوا في الإسلام عنادا واستكبارا وحسدا وغير ذلك من مقاصدهم التي صدتهم عن الإيمان فالله جل وعلا نهى المؤمنين عن اتخاذ هؤلاء أولياء بالمحبة والنصرة وغير ذلك من أنواع المقاربة الدينية أما المقاربة الدنيوية كما في المعاملات وأمور السياسة وأمور السياسية هذا شيء آخر ولكن لا يتخذونهم أولياء في الأمور الدينية بالمحبة فلا يحبونهم لأنهم أعداء الله كيف تحب من هو عدو لله والله يبغضه لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فالواجب أن تبغض من يبغضهم الله وأن تعادي أعداء الله فإن الله عدو للكافرين فإن الله لا يحب الكافرين إذا كان الله لا يحب الكافرين فكيف تحبهم أنت الشيخ يكسبليك لا يتخذي ici on voit que là c'est un là d'interdiction que tu ne dois pas prendre. Et à la fin du verbe « yattakhid », on voit qu'il y a une kasra. Hein? Donc, il y a une kasra, malgré que c'est un « la nahiya » qui est devant, alors que ça devrait être un « sukun ». Et le cheikh explique que ça, c'est parce que dans la langue arabe, lorsque deux « sukun » se rencontrent, c'est-à-dire que le sukun du verbe, qui est majzoum, yattakhid, avec le sukun de al-mu'minun, lorsqu'ils se rencontrent ensemble, eh bien, le premier sukun est transformé en kasra pour éviter que deux sukun se rencontrent. Là, ça, c'est une règle dans la grammaire arabe. Hein? Donc, ensuite, il dit que al-mu'minun, ce sont les gens de la foi et de l'islam, et al-kafirin, ce sont les gens qui ont rejeté la foi en Allah Azza wa Jal et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont refusé d'entrer dans l'islam, soit yani, par obstination ou orgueil, ou arrogance, ou fierté, ou jalousie, ou autre. Parmi les différentes raisons pour lesquelles ces gens-là ont. Ils se sont donc abstenus d'entrer dans l'islam et dans la foi. Donc ça peut être parmi les raisons pour lesquelles ils ne sont pas rentrés dans l'islam. Donc ce sont tous des koufars. Même en passant, même ceux qui sont ignorants, parce qu'il y en a qui pensent que les koufars, c'est seulement ceux qui rejettent l'islam par arrogance et après avoir eu connaissance de l'islam. Mais c'est pas une condition. Même si quelqu'un est ignorant de l'islam, ben il est quand même un kafir. Sauf que c'est un kafir ignorant. Hein? Il y a des kafirs qui ont la connaissance, et il y a des kuffars qui sont ignorants. Et les deux sont des kuffars. Et les deux, on doit les appeler à l'islam. Donc le cheikh dit, فَاللَّهُ جَلَّا وَعَلَى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala interdit aux croyants de prendre ces kuffars pour allier en les aimant et en les défendant, ou en venant à leur défense, donc parmi les. Donc on n'a pas le droit de les aimer par rapport à leur religion, ou de leur venir en aide par rapport à leur religion, ou autre de ces différentes sortes de rapprochements religieux. Dans les questions qui ont rapport avec la religion, c'est pas permis du tout de se rapprocher d'eux, sinon, hein, c'est quelque chose qui vient à annuler ta foi et ta religion. En ce qui concerne le rapprochement de la, dans la dunya, comme par exemple le rapprochement par rapport aux interactions sur le plan des transactions économiques, ou bien comme le commerce par exemple, ou bien des questions politiques et diplomatiques, ça c'est autre chose. Mais même si on a des affaires économiques et politiques avec les koufars qui sont permises, ça ne veut pas dire qu'on va les prendre pour allier dans les affaires de la religion en les aimant pour la religion. Parce que ça, c'est interdit. On n'a pas le droit d'aimer les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment pourrais-tu aimer celui qui est ennemi d'Allah et celui que Allah déteste? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: ne prenez pas pour allié mon ennemi et votre ennemi en leur offrant l'amitié. Le verset 1 dans Surat Al-Mumtahana. Donc c'est l'ennemi d'Allah. Et donc par conséquent c'est notre ennemi également, puisque Allah le déteste et il déteste Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et le verset, et ensuite il dit, et donc il est obligatoire de détester ceux que Allah déteste. Et d'avoir de l'animosité et de prendre pour ennemi celui qui est l'ennemi d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 98 dans surat al-Baqarah: fa inna Allaha aduwwun lil kafirin, car Allah est un ennemi des mécréants. Et il dit dans le verset 32 dans surat al-Imran: fa inna Allaha la yuhibbul kafirin, car certes Allah n'aime pas les mécréants. Donc, si Allah n'aime pas les mécréants, comment toi tu peux les aimer? Hein? Allah, il dit clairement qu'il n'aime pas et qu'il est l'ennemi des mécréants. Donc, toi, par la suite, comment tu peux venir par la suite pour dire oui, je les aime? Hein? Ça, c'est quelque chose qui est contradictoire avec ta foi. Le cheikh dit: وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُنَاصِرُوهُمْ وَأَنْ يعينوهم على ما يمكن ما يمكن كفرهم وينشر كفرهم في الأرض، فلا يجوز للمسلمين أن يمكنوهم من بناء الكنائس في بلاد المسلمين، ولا أن يمكنوهم من الاستيطان في جزيرة العرب التي ظهر منها مشعل الإيمان، أن يدخلون لأغراض مؤقتة ويرجعون، فهذا لا مانع منه، وليس هذا هو المقصود من إخراجهم المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، كما فهم بعض الجهال. الشيخ الزي que de même qu'il n'est pas permis aux croyants de venir au secours des kuffar et des mushrikin et de les aider à établir leur kuffre et à propager leur kuffre sur la terre, de même qu'il n'est pas permis aux croyants de permettre ou de donner aux kuffar la possibilité d'établir ou de construire des églises dans les pays musulmans, ni non plus il n'est pas permis de leur donner non plus la capacité ou la possibilité de venir s'installer pour vivre dans la péninsule arabe l'endroit duquel l'islam, la foi est née, est partie. C'est de là qu'elle s'est répandue partout dans le monde, donc c'est le berceau de l'islam. Donc ils n'ont pas le droit de s'installer là-bas pour vivre. Donc on n'a pas le droit de leur permettre ça, c'est-à-dire de s'installer dans la péninsule arabe. Et il dit, ceux qui viennent par contre pour des moments déterminés, pour une période prédéterminée, pour un but quelconque, un intérêt quelconque, comme par exemple, qu'est-ce qui peut se produire parfois lorsqu'on emploie par exemple des des koufars pour aller faire un travail quelconque dans un pays, des pays du Golfe. Il dit, le cheikh, que ça c'est permis, et ça c'est pas quelque chose qui est impliqué par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit faites sortir les juifs et les chrétiens de la péninsule arabe, puisque ça c'est pas de s'installer, ils viennent là-bas seulement pour un certain temps avec un contrat, puis lorsque leur contrat est fini, eh bien ils repartent. Et donc ça c'est pas ce qui est en contradiction avec le hadith faites sortir les juifs et les chrétiens de la péninsule arabe, contrairement à ce que certains ignorants ont pensé. Ensuite il dit فهذا فيه قطع للموالاة بين المؤمنين والكفار لأن الكافر والمؤمن ضدان لا يجتمعان وهذا نهي من الله يقتضي التحريم ومفهوم الآية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أن الواجب أن يتخذ المؤمنين أولياء إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فأنت تبغض الكافر ولو كان قريبا لك لأن الله يبغضه لكفره بالله عز وجل فأنت تبغضه وتعاديه لله عز وجل ولكن ليس معنى ذلك أن تظلمه وأن تجاوز عليه وأن تجور عليه بغير حق لا يجوز هذا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فأنت لا تجور عليه ولا تظلمه ولا تظلمه ولكنك لا تحبه لا تحبه ولا تصادقه لا تصادقه ولا تخالله بل ابتعد عنه واتخذ المؤمنين أولياء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Donc le cheikh il dit que dans le verset 28 de la sourate Al-Ma'ida, comme on est en train d'expliquer ce verset là, il dit il y a dedans la preuve qu'il faut couper les liens avec l'alliance des koufars, c'est à dire il ne faut pas s'allier dans la religion avec les koufars. Il n'y a pas d'alliance entre les croyants et les mécréants, pas d'amour entre les croyants et les mécréants, et que les mécréants, il dit parce que les mécréants et les croyants sont deux opposés, ils ne peuvent pas se réunir. Les croyants et les koufars et les mouminines, c'est deux groupes qui sont séparés, ils ne peuvent pas s'unir entre eux. Hein? Et le cheikh il dit que ça c'est un verset donc qui nous, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il nous interdit complètement donc de prendre les koufars pour alliés. Ça prouve que c'est haram de le faire. Et le cheikh explique que c'est ça qu'on comprend du verset, que les croyants ne prennent pas les mécréants pour alliés en dehors des croyants. Donc l'obligatoire pour le croyant, c'est de prendre pour alliés les croyants seulement. Comme le verset 55-56 dans Surat Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Vos alliés sont uniquement Allah et son messager et ceux qui ont cru, qui établissent la salat, qui donnent la zakat et qui donnent la zakat alors qu'ils sont inclinés et quiconque prend Allah pour allié et son messager et ceux qui ont cru, alors sachez que le parti d'Allah est celui qui aura le dessus. » qui aura la victoire. Et il mentionne également le verset 22 dans Surat Al-Mujadala qui dit que tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier qui aime ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur fils, leur père, leur frère ou leur tribu. Il dit donc, tu dois détester le kafir même s'il était un de tes proches. Et parce que Allah le déteste à cause de sa mécréance en Allah. Et donc toi tu le détestes et tu deviens son ennemi pour Allah. Mais ça ne veut pas dire que tu lui feras de l'injustice ou que tu vas le priver de son droit et que tu vas être injuste avec lui. Parce que ça, ce n'est pas permis. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 8, dans Surat Al-Ma'idah, et que votre haine pour un peuple ne vous amène pas à être injuste, à ne pas être juste avec eux. Soyez juste, cela est plus proche de la foi et de la piété. Cela est plus proche de la piété. Donc le cheikh il dit, donc tu ne lui fais pas de l'injustice et tu ne le brimes pas dans ses droits. Mais en même temps, tu ne dois pas l'aimer, tu ne dois pas le prendre pour ami, et tu ne dois pas être proche de lui comme ami non plus. Au contraire, tu dois même t'éloigner de lui et ne prendre pour ami et pour allié que les croyants. Et les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Donc le cheikh il dit, il y a dans ce verset, le cheikh il dit, وَفِي هَذَا رَدٌ صَرِيحٌ عَلَى الَّذِينَ ينادون الآن ويقولون لا يجوز كره الكافر ونقول بل الواجب كره الكافر ومن قال لا يجوز فهذا منه محادة لله ولرسوله وإنما نكره الكافر ونبغضهم لله وإنما نكره الكافر ونبغضهم لله وليس من أجل الهوى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من دون المؤمنين فلا تترك المؤمنين وتذهب وتتخذ الكفار أولياء لأن هذا لا يجوز والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Le cheikh il dit, il y a dans ces versets là une réponse directe et claire et explicite à ceux qui appellent aujourd'hui et qui disent il n'est pas permis de détester le kafir. Le cheikh il dit, nous on dit, il dit en fait oui, il est obligatoire de détester le kafir. Et celui qui dit que ce n'est pas permis, alors c'est de sa part une opposition, il vient d'opposer Allah et son messager en disant ça. Il dit, et nous détestons le kafir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous détestons les kuffars pour Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour la passion. C'est-à-dire, c'est pas pour la dunya, c'est pas pour de l'argent, c'est pas pour la terre, c'est pas pour, comme les Ikhwan ils disent, nous on déteste, comme Hassan al-Banna et Youssef al-Qardaoui, ils disent, nous on a juste des problèmes avec les kuffars juifs à cause de la terre. Nous on dit, non, c'est pas à cause de la terre, c'est à cause du kuffar. Parce que le kuffar c'est plus grave. C'est ça le vrai problème, c'est pas la terre. Même s'ils nous donnent la terre, est-ce que ça va être fini? C'est-à-dire ils deviennent nos alliés, nos amis, on les aime? Non, parce qu'ils sont des kuffars. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset, il dit, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme alliés, en dehors des croyants. Donc, n'abandonne pas les croyants, ne délaisse pas les croyants pour aller prendre des kuffars comme alliés. Parce que ça, ce n'est pas permis. Et les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Aujourd'hui, tu vois, certains parmi les musulmans prennent pour alliés les kuffars et ils détestent les musulmans. Allah musta'an. Donc, le cheikh dit, « Fal wajib an taj'ala wilayataka li ikhwanika al-mu'minin. Walau kanu min ab'ad al-nasi nasaban aw watanan anka. Fal mu'minuna ikhwa. كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة دون نظر إلى أنسابهم وألوانهم وبلادهم ودون نظر إلى تقدم وقتهم فالمؤمنون إخوة متقدمهم ومتأخرهم قريبهم في الوطن وبعيدهم في الوطن قريبهم في النسب وبعيدهم في النسب من أول الخليقة إلى آخر الخليقة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Donc on voit ici que le Cheikh il résume qu'est-ce que le Cheikh Sa'di a dit. Cheikh Al-Fawzan il dit la même chose, hein, que tu dois faire des croyants tes frères, tu dois les aimer, tu dois être allié des croyants, même s'ils sont loin de toi dans les liens de parenté, même s'ils n'ont aucun, même s'ils ne viennent pas du même pays que toi, hein. Tandis que même si ce sont des koufars qui sont du même pays que toi, eh bien ce sont tes ennemis pour Allah subhanahu wa ta'ala, hein. Parce qu'il y en a qui disent, il y en a qui font ils appellent à la fraternité nationale, hein, à l'amitié et l'amour national, et ils mettent ça au-dessus de l'amour l'amour de la foi et le fait de s'aimer et de s'allier pour la foi. Donc quelqu'un par exemple, juste pour vous donner un exemple, quelqu'un qui vient par exemple d'un pays comme par exemple le Maroc, il dit bon, nous on est marocain, on va aimer un juif marocain par exemple plus que un musulman chinois. Ça c'est pas permis, parce que le juif marocain c'est un kafir, tandis que le musulman chinois c'est un mu'min. Et donc tu dois aimer ton frère musulman qui est chinois plus que quiconque, hein, parmi les koufars. T'as pas le droit de les aimer parce que ce sont des koufars, même si ils sont du même pays, même s'ils parlent la même langue que toi, hein, le même dialecte ou des choses de ce genre, parce que c'est par rapport à l'iman, par rapport à la foi qu'on doit s'aimer. Et donc c'est pas par rapport à l'origine ou la langue ou le pays ou la couleur, hein. Donc le cheikh il dit les croyants ne sont que des frères. Il mentionne le verset dans Surat Al-Hujurat, le verset 10 à ce sujet là donc il dit tu ne dois pas regarder leur lien de parenté des croyants, tu ne dois pas regarder leur couleur ou le pays d'où ils viennent, hein. Tu dois les mettre en avant sans regarder même l'époque où ils ont vécu. Tu dois les aimer même s'ils ne vivent pas à la même époque que toi, même s'ils t'ont précédé dans le temps historiquement. Donc les croyants ils sont des frères, et les premiers aiment ceux qui viennent après aiment ceux qui les ont précédés, hein. Que ce soit des gens qui sont loin de leur pays d'origine ou proches de leur pays d'origine, loin dans leur lien de parenté ou proche, ou que ce soit le premier des musulmans ou le dernier, ils doivent tous s'aimer en Allah comme c'est mentionné dans le verset 10 dans sourate Al-Hashr. Ensuite il dit وَقَالَ جَلَّ وَعَلَى وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَعْنِي يَتَّخِذَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ وَيَتْرُكَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ تَبَرَّأَ اللَّهُ عز وجل منه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il s'est désavoué de lui. Celui qui fait ça, qui prend les kuffars comme alliés et laisse les croyants, alors il n'a rien à voir avec Allah. Allah se désavoue de lui. فالذي يقول لا يجوز كره الكافر هذا قد تبرأ الله منه في هذه الآية والعياذ بالله شاء أم أبى فعليه أن يراجع نفسه ويتوب إلى الله عز وجل ولا يتمادى به الجهل. والعلماء بينوا له أن هذا لا يجوز فلا يتمادى به الهوى بعد البيان ويصر على هذه الكلمة الخبيثة القبيحة المحادة لله ولرسوله. Donc le cheikh il dit, donc celui qui fait ça, il n'a rien à voir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah se désavoue de lui. Celui qui prend pour allier les kuffars et qui laisse les mu'minin, Allah n'a rien à voir avec lui. Allah se désavoue de lui, hein? Donc celui qui dit il n'est pas permis de détester le kafir, Allah se désavoue de lui dans ce verset là wal'iyazu billah, qu'il le veuille ou non. Et donc il doit revenir à lui-même, réfléchir sur ce qu'il a dit et se repentir à Allah. Et il ne doit pas persister dans son ignorance, alors que les ulama lui ont clarifié que cela n'est pas permis, c'est-à-dire que ce n'est pas permis de dire ça, hein, et il ne doit pas donc persister dans sa passion après qu'on lui a clarifié, hein, et persister et continuer à dire cette parole sale et laide, hein, qui est en opposition avec Allah et son messager. ثم قال تعالى مستثنيا إلا أن تتقوا منهم تقات إلا أن تتقوا منهم تقاتا هذا ما يسمى بالمداراة فتدرأ شرهم بأن تعطيهم ما يريدون من مالك لدفع شرهم أو أن تجيبهم إذا طلبوا منك أن تعاشرهم مؤقتا درءا لشرهم وتعاشرهم درءا لشرهم أو أن تعطيهم شيئا من المال لكف شرهم هذا تقات تقات هذا تقات ومداراة لشرهم وهذا رخصة من الله مثل حالة الإكراه فالمدارة دفع الإكراه رخصتان من الله فالمدارة ودفع الإكراه رخصتان من الله جل وعلا للمؤمنين أن يتخلصوا من الضرر الذي يلحقهم من الكفار أما أن تجيبهم بالتنازل عن شيء من دينك فهذا هو المداهنة وهذا لا يجوز. Donc le cheikh explique ici la différence entre al-mudara et al-mudahana, et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Cheikh explique, il dit que dans ce verset là Allah il excuse une catégorie de personnes qui prennent pour allier les kuffar, yani c'est-à-dire ceux qui ont peur, hein, ceux qui ont une raison de crainte, ils font ça pour se protéger d'eux, du mal des kuffars, pour se protéger du mal des kuffars. Il dit, c'est-à-dire que ça c'est al-mudara. Al-mudara, Cheikh Al-Fawzan il a expliqué en disant que c'est que tu donnes aux kuffars quelque chose de ta dunya pour préserver ta religion, pour préserver ton din. Tu leur donnes ta dunya, quelque chose de ta dunya pour préserver ton din, ta religion. C'est pas le contraire. Le contraire, c'est al-mudahana. Le contraire, c'est al-mudahana. C'est-à-dire, tu transiges. Et tu fais des compromis dans ta religion pour préserver ta dunya. Ça, c'est haram. Et c'est ça ce que font les gens de bid'ah et les hizbiyyins avec les kuffars. Ils leur donnent, ils font des compromis dans la religion. Ils donnent aux kuffars des compromis dans la religion pour pouvoir préserver les privilèges qu'ils ont ou le bien qu'ils ont de la dunya. Ça c'est haram, c'est ça al-mudahana. Tu transiges et tu fais des compromis dans ta religion pour préserver ta dunya, ton argent, tes biens, ton travail, ton poste ou des choses de ce genre. Hein? Puis tu laisses ta religion, tu délaisses des aspects de ta religion et des principes de ta religion. Ça c'est pas permis. Mais al-mudara c'est permis. Que tu donnes aux kuffars des choses de la dunya, soit de l'argent ou des choses de ce genre, pour qu'ils te laissent pratiquer ta religion. Ça, c'est permis. Hein, c'est ce qu'on appelle al-mudara. Donc, le chef, il dit, donc tu te protèges de leur mal en leur donnant ce qu'ils veulent comme argent ou des choses de la dunya, comme ça, pour repousser le mal de ces gens-là. Ou bien tu leur réponds par rapport à quelque chose, par rapport du fait qu'ils te demandent de les côtoyer ou d'être avec eux pour un certain temps. Donc tu restes avec eux, hein, tu les côtoies pour repousser un mal, hein, ou quelque chose de ce genre. Tu leur donnes un peu d'argent ou des choses comme ça pour qu'ils te laissent tranquille dans ta religion. Ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-mudara. Et ça c'est une permission que Allah nous a donnée qui ressemble aussi à l'état ou à la situation de la contrainte. Hein, lorsque un kafir ou quelqu'un te contraint à dire quelque chose qui est contraire à l'islam, il te menace avec une arme, hein, ou il menace de te tuer ou de te frapper par rapport à ça, dans ce cas-là, tu as la permission de dire une parole de kufr ou de faire quelque chose qui est contraire à la foi, tout en ayant la foi dans le cœur pour te pour te débarrasser de ce mal ou pour te protéger de ce mal qui peut te venir de la part des kuffars. Hein? Mais al-mudahana, ça c'est pas permis. Hein? Mudahana, tu leur donnes ta religion pour qu'ils te laissent vivre dans la dunya, ça c'est pas permis. Le cheikh il dit ثم قال تعالى ويحذركم الله نفسه يحذركم الله من اطلاعه على ما في قلوبكم وأعمالكم ومن عقوبة ومن عقوبته وبأسه إذا خالفتم أمره ويعني إذا خالفتم أمره سبحانه وإلى الله المصير وعيد أن المصير إلى الله والمرجع إلى الله فإذا اتخذتم الكفار أولياء من دون المؤمنين من غير حالة التقية فإن الله لكم بالمرصاد وما لكم محيد عن الله وسترجعون إلى الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام بما كان قريبا وربما كان قريبا فالواجب أن تخاف الله جل وعلا الذي لا محيد لك عنه ولا تخاف غيره ولا تساوم على دينك من أجل طمع الدنيا فإذا كانوا يريدون دنيا أعطاهم الدنيا ولا تعطيهم دينك من أجل دنياك لأنك إن أعطيتهم دينك من أجل دنياك فهذه مداهنة أما إذا أعطيتهم دنياك حماية لدينك فهذه هي التقية التي رخص الله فيها وهذا هو فرق بين ما بين التقية وما بين المداهنة التقية أن تقدم مالك دون دينك والمداهنة أن تقدم دينك دون مالك. Donc le cheikh explique, il dit que Allah il vous avertit donc contre lui-même. C'est-à-dire, il vous avertit parce que il sait qu'est-ce qu'il y a dans vos cœurs et il voit vos actions. Donc, il vous avertit contre son châtiment et contre sa force si vous contredisez ses ordres. Et c'est vers Allah que sera le retour, c'est-à-dire que c'est une menace, que vous allez tous retourner à Allah et revenir à Allah. Donc, si vous prenez les koufars pour alliés en dehors des croyants, sans que ce soit pour vous préserver d'un mal de leur part, eh bien, sachez que Allah il vous surveille et qu'il vous guette et que vous ne pouvez pas vous échapper d'Allah et que vous allez retourner vers lui un jour et il se peut que ce jour-là soit proche. Donc il est l'obligation pour le musulman, c'est de craindre Allah Jalla wa Ala, et tu ne peux pas t'enfuir de lui et tu ne dois pas craindre autre que lui et il ne faut pas que tu négocie ta religion pour avoir les désirs que tu veux des choses de la dunya. Donc si eux ils veulent la dunya, tu leur donnes la dunya, mais tu leur donnes rien de ta religion. Hein? Si tu leur donnes ta religion pour préserver ta dunya, ça, dans ce cas-là tu as fait un compromis, hein? Tu as transigé. Mais si tu leur as donné ta dunya pour préserver ta religion, ça c'est at-taqiyya. C'est ça que Allah a donné comme permission dans le verset. Et c'est ça la différence, hein, la différence entre la taqiyya et la mudahana. La taqiyya, c'est que tu donnes tes biens pour préserver ta religion. Et la mudahana, c'est le contraire, que tu donnes ta religion pour préserver tes biens. Et ça, c'est pas permis. Hein? Et le cheikh il dit wa lihada yaqulu ba'd as-salaf إذا عرض البلاء فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم فإذا نزل البلاء فاجعلوا أنفسكم دون دينكم واعلموا أن الخائب من خاب دينه والهالك من هلك دينه ألا لا فقر بعد الجنة ولا غنى بعد النار لأن النار لا يفك أسيرها ولا يبرأ ضريرها ولا يطفئ حريقها ولا يطفئ حريقها إذ فالدين لا تفرط فيه أبدا لأنه نجاتك فإذا فرطت فيه هلكت Donc, le cheikh, il explique, il dit, donc qu'il y a certains des salafs qui ont dit, s'il t'arrive un malheur, alors donnez vos biens pour vous sauver vos personnes. Donnez vos biens pour préserver vos personnes, vos vies. Hein? Donc, si t'arrive un malheur, tu donnes tes biens pour sauver ta vie. Et si t'arrive un malheur, alors donnez vos vies pour préserver votre religion. Hein? Donc, c'est en degré. Et sachez que la personne qui est vraiment le perdant, c'est celui qui a perdu sa religion. Celui qui a péri, c'est celui qui a péri dans sa religion, qui a perdu sa religion. Et sachez qu'il n'y a pas de pauvreté après le paradis et il n'y a pas de richesse après l'enfer. Et que l'enfer ne laisse pas sortir ses prisonniers, hein, et ne laisse pas voir ses et ne guérit, c'est-à-dire la personne qui est blessée dedans, elle ne sera pas guérie et son feu ne s'éteindra jamais. Donc c'est une parole de Abu Bakr al-Shaybani et al-Marwazi dans al-Fitan et al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman et al-Daylami. En tout cas, c'est rapporté selon Jundub dans tous ces livres-là. Il y a d'autres références aussi dans le livre mentionné. Donc ça, c'est ce que je voulais expliquer par rapport à ça. C'est l'explication de ce verset pour éviter justement les ambiguïtés. Donc ça, c'est le premier verset dans le livre. On voit que l'explication du Cheikh Al-Fawzan, on va y revenir aussi parce qu'il y a beaucoup d'explications qui sont très intéressantes dans les paroles de Cheikh Al-Fawzan, surtout par rapport à ça, plus détaillées que le tafsir de Cheikh Al-Sa'di, parce que le tafsir de Cheikh Al-Sa'di, c'est un tafsir, donc c'est des fois c'est dans un livre de tafsir, donc c'est plus général les explications, tandis que dans les paroles de Cheikh Al-Fawzan du livre de Sharh Risalat al-Dala'il, il y a des points qui sont plus spécifiques par rapport à des situations qui se passent aujourd'hui, donc on pourra trouver des explications plus détaillées sur certaines questions, inshallah. Donc on va s'arrêter ici, puis prochain cours on continuera. On commencera directement avec le deuxième verset dans les versets qui sont mentionnés comme preuve de l'interdiction de prendre les kuffars pour alliés et ainsi de suite. Donc on s'arrête ici, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.